les scientifiques ont pu confirmer que la météorite précédente n'était qu'une faible fraction de la prochaine qui va faire son atterrissage imminent.